Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 4, colonne 1. Actualité politique. Du courrier de Worcester. Notre journal compte certainement, parmi ses lecteurs et abonnés, un grand nombre de démocrates sincères qui pourraient peut-être prendre de l'humeur, à raison, de nos opinions républicaines et de l'attitude que nous avons choisie dans nos luttes politiques au Massachusetts. Ceci demande un mot d'explication. Dans tout pays à institutions démocratiques, nous parlons ici dans le vrai sens du mot, les partis politiques sont aussi nécessaires à la bonne marche des affaires publiques que l'air est nécessaire à l'homme ou l'eau aux poissons pour vivre. L'existence des nations, comme celle des individus, exige une lutte perpétuelle, une animation dans les principes et les idées qui divise continuellement l'homme cherchant le meilleur chemin pour arriver au meilleur but. Nous sommes tous sur le qui-vive et à la recherche d'institutions sociales susceptibles de nous rendre plus heureux. Les démocrates sont sur une voie et prétendent que c'est la bonne. Les républicains en suivent une autre et affirment en toute sincérité qu'elle vaut infiniment mieux. Des deux côtés, l'émulation est fort louable par l'alimentation qu'elle fournit à la vie publique surtout. Toute nation qui ne s'occupe pas activement de ses affaires ou vit dans l'indifférence à cet égard tombe dans le marasme et recule au lieu d'avancer. Les États-Unis et l'Europe ne sont à la tête de la civilisation universelle que par suite de la grande animation de leur vie publique. Si les races malaises et nègres en Asie et en Afrique sont aussi en retard, c'est à cause que les institutions politiques de ces contrées ne permettent pas au peuple de s'occuper des affaires publiques. Ceci dit une fois pour toutes, et pour établir que nous ne nourrissons que des sentiments d'amitié et de franche condescendance envers nos abonnés électeurs qui ne pensent pas comme nous en matière politique. Dans ce pays-ci, un homme actif ne sait pas ce que c'est que tourner les pouces sur un fauteuil et ne peut rester neutre. Il faut qu'il soit chair ou poisson, deux mets également recommandables et hautement appréciés en temps et lieu. Nous ne sommes pas de ceux qui font mélange de la religion et de la politique, quoique les limites de ces deux grandes nécessités sociales soient impossibles à déterminer d'une manière exacte. Toutefois, il y a des bornes, mais la génération actuelle ne les connaît pas encore. Elle paraît être d'avis qu'il faut laisser quelque chose à faire aux générations à venir qui, si elles marchent aussi rapidement que la nôtre, bâtiront des hôtels sur les montagnes de la Lune où les heureux de la Terre iront passer un certain temps de la saison d'été. À cette époque-là, on ne comprendra pas comment les vieux des temps passés aient pu s'amuser aux montagnes blanches, aux bains de mer ou dans les hôtels du Rigi, dont l'altitude ne dépasse pas 7000 pieds. Le spectacle sera ravissant en contemplant, d'une distance de 70 000 lieues, la boule terrestre avec des télescopes perfectionnés, grossissant et rapprochant les objets 100 fois plus que ceux d'aujourd'hui. Et pourquoi pas? Celui qui aurait affirmé les découvertes actuelles, il y a un siècle, aurait été pris pour un fou et enfermé à Bicêtre. On sait ce qu'il en a coûté à Salomon de Cosse pour avoir ennuyé Napoléon Ier et ses ministres de ses théories fabuleuses sur les effets et les applications de la vapeur. Si nous entrions dans des détails, nous n'en finirions pas. Les sciences et les arts ont fait des pas de géants depuis le commencement de ce siècle, et celui qui pourrait dire actuellement où se trouve la fin serait bien malin. Mais revenons à notre politique. C'est là où le bât blesse un grand nombre d'intérêts et d'aspirations plus ou moins légitimes. L'homme aime à dominer, mais il souffre quand on le domine. Quelque malheureuse que soit la position d'un prolétaire, il ne s'incline que par nécessité devant celui qui est mieux favorisé que lui par le concours des circonstances. Mais ces circonstances varient d'homme à homme, de famille à famille, de nation à nation. Le moyen de distinguer de ce grand enchevêtrement constitue un don spécial que peu de personnes possèdent. Le grand mal, c'est que chacun s'obstine dans le lien étroit de ses idées et que s'il lui arrive d'aimer la soupe, il faudrait que personne ne soit d'un avis contraire. Pendant la campagne électorale qui va commencer à chauffer fort, nous écrirons quelques articles en faveur du Parti républicain. Nous lirons avec intérêt les journaux à principe démocratiques parce qu'ils signaleront les côtés faibles de la politique républicaine et nous aideront à y porter remède. La victoire appartiendra à ceux dont les principes représenteront le mieux l'opinion publique. Vainqueur ou vaincu, avant comme après la bataille, nous respecterons toujours nos adversaires et ne manquerons jamais de leur accorder les égards qui leur sont dus. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.